بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qui concerne le siyam du voyageur. On va lire le hadith numéro 21. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح لمكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس. جابر بن عبد الله رضي الله عنه rapporte l'année de la libération de la Mecque. Le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, s'est rendu à la Mecque pendant le mois de Ramadan. Et il a jeûné jusqu'à parvenir aux confins de la vallée d'Al-Ghamim. Et les gens ont également jeûné. Puis il demanda qu'on lui apporte une coupe d'eau qu'il leva. Il leva cette coupe d'eau jusqu'à ce que les gens le regardent, puis il but. Puis on l'informa. On informa que certaines personnes avaient continué à jeûner. Faqal, ulaika al-usa. Il dit, voilà les désobéissants, voilà les désobéissants. Et dans une autre version, innas qad chaqqa alayhim as-siyam wa innama yanzuruna fima fa'alt. Fada'a biqadahin min ma ba'd al-'asr fa sharib. Rawa Muslim. Dans une autre version, on lui dit, le siyam est pénible aux gens, ils attendent de voir ce que tu fais. Il demanda une coupe d'eau après l'asr et but. Ce hadith est rapporté par Muslim. Le hadith numéro 22. وعن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن يجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح. حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه rapporte qu'il a dit au messager d'Allah, je trouve en moi la force de jeûner en voyage, suis-je en faute? Donc il lui a dit qu'il avait la capacité de jeûner, qu'il avait la force de jeûner pendant qu'il voyage. Il lui demanda s'il commettait un péché, une faute, s'il faisait cela, s'il jeûnait pendant qu'il voyage. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui répondit, c'est une permission accordée par Allah. Celui qui profite de cette permission-là, eh bien, c'est une bonne chose. Il a dit que celui qui préfère jeûner ne commet aucune faute. Ce hadith-là est rapporté par Muslim. Le premier point qu'on va voir concerne le fait de rompre le siyam en voyage. Sachez qu'il est permis à celui qui voyage de ne pas jeûner. Par exemple, si on est pendant le mois de Ramadan et qu'une personne voyage, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Et elle devra rattraper ses jours manqués après le mois de Ramadan. Et cela est indiqué par des preuves du Coran, comme ce verset-là. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَارٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe que celui qui est malade ou qui voyage devra rattraper ses jours manqués plus tard. Donc après le mois de Ramadan, la personne doit rattraper ses jours manqués. Et également, on a des preuves de la sunna, comme le hadith qu'on a lu, où le prophète, alayhi salatu wasalam, était en train de voyager. Il a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau et a bu de l'eau devant tout le monde pour montrer qu'il était permis de rompre le siyam lorsqu'on voyage. Également, on a l'ijma', on a le consensus des savants sur cette question-là. Tous les savants sont d'accord pour dire que celui qui voyage, eh bien, n'a pas à jeûner. Il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Ce consensus-là est rapporté, entre autres, par l'imam al-Nawawi et d'autres. La question suivante est, est-il permis de jeûner pendant qu'on voyage? On a vu dans la question précédente qu'il est permis de rompre le siyam lorsqu'on voyage. La question ici est, est-il permis de jeûner lorsqu'on voyage? Certains savants ont cité qu'il n'était pas permis de jeûner pendant qu'on voyage, lorsqu'on voyage. C'est l'avis entre autres de Daoud et d'Ibn Hazm. Ils se sont basés sur ce hadith « Sa'im Ramadan fi safar, kel muftir fi hadar ». « Sa'im Ramadan fi safar », c'est-à-dire celui qui jeûne le mois de Ramadan pendant qu'il voyage et comme celui qui ne jeûne pas alors qu'il n'est pas voyageur. Ce hadith est rapporté par An-Nasa'i. Ils se sont basés également sur ce hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Le prophète a dit que jeûner en voyage ne fait pas partie de la piété. Donc ils ont dit qu'il ne faut pas jeûner pendant qu'on voyage car cela ne fait pas partie de la piété. Et également, ils se sont basés sur le hadith qu'on a lu où le prophète alayhi salatu wasalam, a décrit ceux qui ont continué à jeûner comme étant l'usa. Il a dit, voilà les désobéissants, voilà les désobéissants. Il a bu de l'eau devant tout le monde pour rompre le siyam, et il a décrit ceux qui ont continué à jeûner comme étant les désobéissants, ce qui indique qu'il ne faut pas jeûner pendant qu'on voyage. Voilà leur argument. Et le deuxième avis est l'avis de la majorité des savants, qui est qu'il est permis de jeûner pendant qu'on voyage. Ils se sont basés sur les nombreuses preuves de la sunna qui indiquent cela. Parmi ces preuves, ce hadith, « Kunna nusafir ma'a rasulillah alayhi salatu wasalam, fa minna sa'im wa minna al-muftir. » Certains compagnons voyageaient avec le prophète, alayhi salatu wasalam, certains jeûnaient et d'autres non. « Fa la ya'ib al-sa'im ala al-muftir, wa la al-muftir ala al-sa'im. » Et personne n'adressait de reproches aux autres. Ceux qui jeûnaient n'adressaient pas de reproches à ceux qui ne jeûnaient pas, et ceux qui ne jeûnaient pas n'adressaient pas de reproches à ceux qui jeûnaient. Donc cela indique qu'ici, eh bien, ils jeûnaient avec le prophète, alayhi salatu wasalam, alors qu'ils voyageaient. Ce qui indique qu'il est permis de jeûner pendant qu'on voyage. Et cet avis-là est l'avis le plus juste. L'avis le plus juste est qu'il est permis de jeûner pendant qu'on voyage. Et la réponse au hadith « Sa'im ramadan fi safar kal muftir fi al-hadar » Celui qui jeûne le mois de Ramadan pendant qu'il voyage est comme celui qui ne jeûne pas alors qu'il ne voyage pas, et que ce hadith-là, tout premièrement, n'est pas marfoua. Ce ne sont pas les paroles du prophète, alayhi salatu wasalam. Ce sont les paroles de Abdurrahman ibn Auf. Et en plus, ce hadith-là est daif. Ce hadith est faible, comme l'a cité l'imam al-Bayhaqi. Ce hadith-là n'est pas authentique. Voilà la réponse au premier argument. Et la réponse au deuxième argument, qui est la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, jeûner en voyage ne fait pas partie de la piété, eh bien la réponse est que ce hadith-là, eh bien, concerne une certaine situation. Le prophète a tenu ces propos-là dans une certaine situation. En fait, il a vu un homme qui s'était évanoui. Il est venu, il a interrogé les gens, pourquoi est-ce que cet homme-là s'est évanoui? Ils lui ont expliqué que cet homme-là était en train de voyager et qu'il était en train de jeûner et il s'est évanoui. Donc, après, par la suite, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Laysa min al-bir siyam fi safar ». Il a dit que le fait de jeûner en voyage ne fait pas partie de la piété. Donc, ce hadith concerne un certain cas. Il concerne le cas de la personne qui jeûne avec difficulté alors qu'elle voyage. Si la personne éprouve des difficultés à jeûner pendant qu'elle voyage, dans ce cas-là, il lui est déconseillé de jeûner. Donc, voilà la réponse à ce hadith-là. Et également, si cela conduit à délaisser quelque chose qui est prioritaire, eh bien dans ce cas-là, il est déconseillé de jeûner. Et ce qui indique cela est la suite du hadith qu'on a lu, qui indique que certains compagnons voyageaient avec le prophète, alayhi salatu wasalam, certains jeûnaient et d'autres non. Et personne n'adressait de reproches aux autres. Et dans la suite du hadith, eh bien, certains étaient tombés, ceux qui jeûnaient étaient tombés. Et ceux qui ne jeûnaient pas ont dressé les tentes. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Aujourd'hui, ce sont ceux qui ont rompu le siyam qui ont remporté la récompense. » Ce qui indique que si la personne éprouve des difficultés à jeûner pendant qu'elle voyage, cela est déconseillé. Donc l'avis le plus juste en résumé est qu'il est permis de jeûner pendant qu'on voyage. La question suivante est « Est-il préférable de jeûner ou de rompre le siyam pendant qu'on voyage ?» On a vu qu'il était permis de jeûner pendant qu'on voyage. Mais qu'est-il préférable ? Jeûner ou ne pas jeûner pendant qu'on voyage. Al-Awza'i, également l'imam Ahmed et Ishaq, sont d'avis qu'il est préférable de ne pas jeûner. Ils se sont basés sur la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, laysa min al-bir siyam fi safar. Le fait de jeûner pendant qu'on voyage ne fait pas partie de la piété. Et également, ils se sont basés sur ce hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, alaykum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Profitez des permissions qu'Allah vous accorde. Or ici, Allah Azza wa Jal nous a accordé l'autorisation de ne pas jeûner pendant qu'on voyage. Il faut profiter de ces permissions-là. Ils se sont basés également sur ce verset « Yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr » Allah Azza wa Jal veut pour vous la facilité et non pas la difficulté. Ils ont dit qu'il était plus facile de ne pas jeûner pendant qu'on voyage. Donc voilà les preuves qu'ils ont utilisées pour dire qu'il est préférable de ne pas jeûner pendant qu'on voyage. Cet avis-là est l'avis qu'a choisi Ibn Qudama et également Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi majma'in. Et le deuxième avis est l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants est d'avis qu'il est préférable pour celui qui en a la force de jeûner pendant qu'il voyage. Celui qui a la force, la capacité de jeûner pendant qu'il voyage, il est préférable de jeûner. Ils se sont basés sur ce hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim, où certains compagnons étaient sortis avec le prophète, alayhi salatu wasalam, en voyage, lors d'une journée où il faisait très très chaud. Et ce jour-là, seul le prophète avait jeûné, et également Abdallah ibn Rawaha. Donc ils ont dit que ce jour-là, seuls ceux qui en avaient la force, la capacité, avaient jeûné. Ils en ont déduit qu'il est préférable pour celui qui en a la force de jeûner. Mais si la personne n'en a pas la force, eh bien dans ce cas-là, il ne lui est pas conseillé de jeûner. Ils se sont basés également sur l'épreuve générale qui indique de concourir aux œuvres de bien, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ». Et un autre avis est qu'il n'y a aucune différence, il n'y a aucune préférence entre le fait de jeûner et de rompre le siyam. Et l'avis le plus juste est le deuxième avis. Le deuxième avis qui est qu'il est préférable à la personne qui en a la capacité, la force de jeûner pendant qu'elle voyage. C'est l'avis de la majorité des savants et c'est l'avis qu'a choisi l'imam al-Nawawi et également Ibn Hajar. Rahmatullah alayhi majma'in. La question suivante est, est-il permis à celui qui voyage de rompre le siyam sans motif précis? Si une personne voyage et qu'elle est en train de jeûner, lui est-il permis de rompre le siyam sans motif précis? Shafi'iyya, également le Hanabila, sont d'avis qu'il lui est permis de rompre le siyam sans motif précis. Ils se sont basés sur le hadith qu'on a lu, où lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est rendu à la Mecque pendant le mois de Ramadan, eh bien, il avait jeûné. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, eh bien, il a demandé une coupe d'eau et a bu la coupe d'eau devant tout le monde pour montrer qu'il était permis à celui qui voyage de rompre le siyam. Donc ils ont dit que cela est permis. Il est permis de rompre le siyam sans motif précis. Et certains savants comme l'imam Malik sont d'avis que cela n'est pas permis. Il n'est pas permis de rompre le siyam lorsqu'on voyage sans motif précis. Ils ont dit que la personne devra rattraper ce jour-là et en plus, elle devra s'acquitter d'une expiation. Ils ont dit que vu que la personne a choisi de jeûner, eh bien elle doit terminer son siyam, elle doit compléter son siyam. Mais l'avis le plus juste, c'est le premier avis. Le premier avis qui est qu'il est permis de rompre le siyam sans motif précis pendant qu'on voyage, selon les preuves qu'on a citées. C'est l'avis qu'a choisi l'imam al-Nawawi et également Ibn Qudama. La question suivante est, est-il permis à celui qui voyage de rompre le siyam de cette journée-là? Ici, on a deux cas de figure. Le premier cas est le cas où la personne commence à voyager pendant la nuit. Si la personne commence à voyager pendant la nuit, avant le Fajr, dans ce cas-là, cela est permis bilal khilaf, comme l'a cité al-Nawawi. L'imam al-Nawawi a cité qu'il n'y avait aucune divergence dans ce cas-là. Cela est permis. Et le deuxième cas est le cas où la personne voyage après le Fajr, c'est-à-dire pendant la journée. Dans ce cas-là, l'avis le plus juste est qu'il lui est permis également de rompre le siyam. Donc il est permis à celui qui voyage de rompre le siyam, que ce soit avant le Fajr, pendant la nuit ou pendant la journée. La question suivante est, à partir de quel moment est-il permis au voyageur de rompre son siyam? Certains savants ont dit que dès que la personne est résolue à voyager, elle peut rompre son siyam. Même si elle est encore chez elle et qu'elle est décidée à voyager, eh bien elle peut rompre son siyam. C'est l'avis de Hassan al-Basri et d'Ishaq également. Et d'autres savants comme Shafi'iyya, al-Malikiyya ou al-Hanabila sont d'avis que c'est lorsque la personne sort de sa localité qu'elle peut rompre son siyam. Ils ont dit que lorsque la personne dépasse les habitations de sa localité, à partir de ce moment-là, elle pourra rompre son siyam. Ils ont expliqué qu'on ne devient pas voyageur avec l'intention, avec la niya. Le voyage doit être traduit en acte. Donc quand la personne voyage, quand elle commence à voyager, elle peut profiter des permissions qui sont accordées aux voyageurs. Et cet avis-là est l'avis le plus juste. Donc l'avis le plus juste est que c'est à partir du moment où la personne commence à voyager, qu'elle sort de sa localité, qu'elle peut profiter des permissions qui sont accordées aux voyageurs et qu'elle peut rompre son siyam. La question suivante concerne la distance de voyage où il est permis de rompre le siyam. L'imam Malik, Shafi'i et Ahmed sont d'avis que c'est la distance de 2 jours de voyage à pied ou à chameau. Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que la distance parcourue en un jour s'appelait en arabe marhala. Marhala équivaut à 24 miles. Et un mile équivaut à 1,609 km. Il y a un moyen mnémotechnique pour se souvenir de cela. On dit 1,609. Un mile égale 1,609, donc 1,609 km. Donc la distance parcourue en un jour fait à peu près 38,6 km. Et donc en 2 jours, ça fait à peu près 77 km. Donc voilà le premier avis, c'est à peu près 77 km. Et d'autres savants ont dit qu'il n'y avait pas de limite à ce voyage-là, à cette distance-là. Que tant que ce trajet-là est considéré comme un voyage, eh bien on peut rompre le siyam. Il n'y a aucune précision sur la distance de ce voyage-là. Donc, à partir du moment où ce trajet est considéré comme un voyage, on peut profiter des permissions qui sont accordées aux voyageurs, comme le fait de rompre le siyam et de raccourcir la salat. Et c'est l'avis le plus juste. L'avis le plus juste est que cette distance-là n'est pas définie, limitée. À partir du moment où le trajet est considéré comme un voyage, on peut profiter des autorisations, des permissions accordées aux voyageurs. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'autres savants également. La question suivante est, si le voyageur arrive à destination et qu'il a rompu son siyam, doit-il se priver de boissons et nourriture le reste de la journée ou pas, lorsqu'il arrive ou pas? L'avis le plus juste est qu'il n'a pas à se priver de nourriture et de boissons lorsqu'il arrive à destination. Si la personne a rompu son siyam, eh bien, elle peut continuer à manger et à boire. Voilà l'avis le plus juste. La question suivante est, si une personne a jeûné en voyage et qu'elle arrive à destination, lui est-il permis de rompre le siyam? Ici, la personne a jeûné pendant qu'elle voyageait. Lorsqu'elle arrive, lui est-il permis de rompre le siyam ou pas? Ici, on a deux avis. Le premier avis est que cela est permis. Il lui est permis de rompre le siyam. C'est l'avis d'une partie des Shafiriyya. Et le deuxième avis est que cela n'est pas permis. C'est l'avis de la majorité des Shafiriyya et d'autres savants également. Ils ont dit que la permission de rompre le siyam est accordée aux voyageurs. Or, ici, cette personne-là est arrivée. Elle n'est plus considérée comme étant en voyage. Donc voilà l'avis le plus juste. L'avis le plus juste est qu'il ne lui est pas permis de rompre le siyam une fois arrivé à destination. Et c'est l'avis de la majorité des savants. La question suivante est, celui qui compte voyager le lendemain, peut-il avoir l'intention pendant la nuit de rompre le siyam, c'est-à-dire à l'avance? L'imam Ibn Abd al-Barr a dit que les savants étaient d'accord pour dire que cela n'était pas permis. Il n'est pas permis d'avoir l'intention pendant la nuit de rompre le siyam à l'avance. Et il a cité qu'on ne devenait pas voyageur avec l'intention, avec la niya. Il faut des actes. Le voyage doit être traduit en actes. C'est à partir du moment où on voyage qu'on est considéré comme voyageur. Et également, on ne sait pas. Il peut se passer des imprévus. Il se peut que le voyage soit annulé. On ne peut pas voyager. Donc, il ne faut pas placer son intention à l'avance de rompre son siyam. C'est lorsqu'on commence à voyager qu'on peut profiter des permissions qui sont accordées aux voyageurs. Et la dernière question est, si quelqu'un voyage et s'installe dans un endroit, lui est-il permis de rompre le siyam dans cet endroit-là ou pas? Cheikh Mohammed Ibn Hizam a dit que l'avis le plus juste était que si la personne s'installe plus de 4 jours dans un endroit, eh bien, elle n'est plus considérée comme étant en voyage. Donc, elle doit jeûner. Dans ce cas-là, elle doit jeûner. En fait, il a traité cette question-là dans un autre chapitre de Bulugh al-Maram. Il a traité cette question-là dans le chapitre de la Salat. Nous, on a cité, en résumé, l'avis le plus juste. Donc, au-delà de 4 jours, la personne ne peut pas profiter des permissions qui sont accordées aux voyageurs et elle doit jeûner. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Baz, rahimullah wa ta'ala. Voilà pour ce dars qui concernait le siyam pendant qu'on voyage. Wa ilayna wa alhamdulillahi rabbil alamin.